Je vais passer la journée à attendre qu'il soit l'heure. Comme les minutes sont longues, ô Seigneur. Essayons de me détendre pour oublier que dans quelques heures j'avais rendez-vous avec vous, j'ai si peur. Un premier rendez-vous avec vous, ce fou, tout en douce nous. Rien qu'un premier rendez-vous, mais c'est déjà, déjà beaucoup. Au premier rendez-vous, c'est là que tout se joue. Et si nos jeux devenaient nous, après ce premier rendez-vous. Je vous connais déjà, mais face à vous pour la première fois. Si les minutes me semblaient longues, ô Seigneur, je me refuse à prétendre que ce pourrait être le bonheur. Ce premier rendez-vous avec vous dont j'ai peur. Un premier rendez-vous avec vous, c'est fou, tout en nous se noue. Rien qu'un premier rendez-vous, c'est déjà, déjà beaucoup. Au premier rendez-vous, c'est là que tout se joue. Et si nos jeux devenaient nous, après ce premier rendez-vous. Ce premier rendez-vous.